Bonsoir à tous. J'ai commencé à vous lire un des ouvrages qui était une source aux copies d'écran que j'ai faites dans une de mes dernières vidéos. Cet ouvrage, c'est La franc-maçonnerie et la Révolution française de Maurice Thalmayer, 1904. La franc-maçonnerie et la Révolution française. Mesdames et messieurs, quelle a été en 1789, en 1792 et en 1793 le rôle exact de la franc-maçonnerie dans la Révolution française? Les documents authentiques émanant de la maçonnerie elle-même ne peuvent pas, on le comprend, ne pas être rares sur ce point. Une société secrète ne serait pas une société secrète si elle ne prenait pas le plus grand soin de cacher tout ce qui peut renseigner sur elle, et les témoignages positifs, là où par principe on les supprime, ne peuvent nécessairement pas abonder. Néanmoins, si le véritable témoignage nous fait souvent ainsi défaut, il n'en est pas de même de certains faits, singulièrement saisissants, et qui en arrivent rapprochés les uns des autres à produire une lumière presque aussi probante que la lumière même des documents. Or, ces faits-là sont innombrables, et la démonstration qui en résulte, c'est qu'il n'est peut-être pas une seule des grandes journées de la Révolution qui n'ait pas été, plus ou moins longtemps à l'avance, machinée et répétée dans les loges comme on répète et comme on machine une pièce dans un théâtre. Suivez donc avec un peu d'attention les faits qui vont vous être exposés et vous verrez, comme de vos yeux, tout un grand pays violemment transformé, par la plus évidente des conspirations, en une immense et véritable loge. Vous le verrez jeté par force dans toute une succession d'épreuves maçonniques graduées, dont les premières dissimulaient soigneusement le secret final, mais dont la dernière, dès le début, avait toujours dû être le meurtre du roi, pour aboutir au but suprême et caché, c'est-à-dire à la destruction de la nationalité elle-même. Avant d'en arriver aux faits particuliers, nous constaterons d'abord un grand fait général, c'est que l'histoire de la Révolution a toujours joui jusqu'ici du privilège singulier d'être acceptée comme histoire sans que personne au fond l'ait jamais expliqué. D'après les documents les moins niables et contrairement à une légende audacieusement fabriquée, la nation française, comme masse populaire, en dehors d'une certaine noblesse, d'un certain clergé et d'une certaine bourgeoisie, était alors profondément catholique et royaliste. Au moment même où on massacrait les prêtres, où l'on détruisait avec le plus de rage tout ce qui était de la religion traditionnelle, on avait dû renoncer à interdire les processions dans Paris, où le peuple, comme l'établissent aujourd'hui les témoignages les plus précis, obligeait en pleine terreur les patrouilles de sectionnaires à rendre dans la rue les honneurs au Saint-Sacrement. Quant au culte envers le prince, il se prouve par les manifestations mêmes dirigées contre sa personne. Pendant 2 ans, la révolution se fait au cri de « Vive le roi! » Ensuite, la plupart même des hommes et des femmes d'émeute, soldés pour outrager le souverain, sont tout à coup ressaisis en face de lui de l'insurmontable amour de leur race pour le descendant de ces monarques. Toute leur exaltation en sa présence tourne comme en octobre 1789 en respect et en tendresse. Que voit-on au retour de Varennes pendant que la famille royale prend son repas? On voit le député révolutionnaire Barnave se tenant respectueusement debout derrière le roi et le servant comme un valet de chambre. Et ce sentiment catholique et royaliste, presque général à cette époque, se confirme de façon certaine par les chiffres mêmes des élections. Dès 1790, les ennemis de la religion et de la monarchie ne sont plus élus partout que par le 10e, puis par le 15e, puis par le 20e des électeurs. Taine constate à Paris, aux assemblées primaires de 1791, un an déjà avant le 10 août, plus de 74 000 abstenants sur 81 200 inscrits. N'est-il pas rigoureusement vrai, en conséquence, que la révolution, considérée comme mouvement national, ne peut pas s'expliquer? On comprend une nation comme l'Amérique, chez qui la domination anglaise est impopulaire et qui s'en débarrasse. On ne comprend pas une nation qui a la religion et la monarchie dans le sang, qui les veut, qui ne veut qu'elle, et qui les renverse avec fureur. Et cette révolution-là est tellement inexplicable que tous les historiens, quels qu'ils soient, renoncent en réalité à l'expliquer, car les explications par la fatalité, la providence, la force des choses, le châtiment divin ou l'anarchie spontanée, les seules qu'on nous ait encore données ne sont pas des explications. Nous sommes donc bien devant une inconnue, devant un X, et ce qui ajoute encore à l'énigme, ce sont ces révolutionnaires en nombre infime, qui ne sont pas 10 000 électeurs sur 100 000, qui ne représentent pas la France, et qui avec cela non seulement appellent leur révolution la Révolution française, mais lui attribuent encore en outre un caractère universel. Ils ne sont même pas la nation qu'ils disent être. Ils prétendent néanmoins régenter toutes les autres nations au nom de cette nation qu'ils ne sont pas, et personne cependant ne songe à leur demander comment ils se trouvent ainsi représenter tout le monde en ne représentant personne. Eh bien, nous allons le leur demander, et s'ils ne nous répondent pas toujours eux-mêmes, toute une série de faits nous répondra pour eux. Où en était au XVIIIe siècle la franc-maçonnerie en France? Elle y daterait exactement, d'après ses propres annuaires, de 64 ans avant la Révolution de 1725, et ses deux premiers grands maîtres auraient été deux Anglais, Lord Derwentwater et Lord Arnouester. Elle est ensuite présidée par un grand seigneur français, le duc d'Antin, puis par un prince de sang, Louis de Bourbon, comte de Clermont, puis de 1771 à 1793, par le duc de Chartres, plus tard duc d'Orléans, et plus tard encore Philippe Égalité. En outre, et comme parenthèse, nous pouvons encore faire quelques remarques intéressantes. On sait que la première manifestation révolutionnaire du tiers-État, en 1789, fut de s'ériger à Versailles en Assemblée nationale, et que la formule fameuse, déclarer la patrie en danger, devait devenir sacramentelle en 1792. Or, en 1771, à la suite de graves crises intérieures, la maçonnerie se déclare en danger. Elle appelle à Paris ses délégués de tous les points de la France, et ces délégués, 18 ans déjà avant 1789, se réunissent en Assemblée nationale. De plus, les premiers maçons établis en France, vers 1723, étaient des jacobites, et le grand club directeur de la Révolution est le club des jacobins. Condorcet, dans la septième époque des progrès de l'esprit humain, désigne la franc-maçonnerie comme une continuation mystérieuse de l'ordre des Templiers, et Louis XVI a pour prison le Temple, ancien asile de ces mêmes Templiers. La grande assemblée annuelle des francs-maçons s'appelle le Convent, et la plus fameuse assemblée révolutionnaire s'appellera la Convention. La maçonnerie, quand elle avait à proscrire un adepte, le déclarait suspect. Et chacun sait comment, sous la Terreur, on était déclaré suspect. D'après Louis Blanc, le récipiendaire en maçonnerie se coiffait d'un bonnet pendant qu'on lui disait « Ce bonnet vaut mieux que la couronne des rois. » Or, l'orateur au club des Jacobins se coiffait du bonnet rouge. Enfin, l'une des épreuves de la franc-maçonnerie, avant la Révolution, consistait à faire opérer aux dignitaires maçonniques l'exécution en effigie d'un roi de France sur un mannequin représentant Philippe le Bel, le prince même qui avait exterminé l'ordre des Templiers, et l'acte suprême de la Révolution, devait être de même l'exécution du roi. Doit-on donner d'ailleurs à ces premières remarques plus d'importance qu'elles n'en comportent? Non, et ce sont peut-être là de pures coïncidences. Mais nous pouvons déjà cependant, avec ces coïncidences, nous sentir dans une certaine atmosphère. En somme, comme en témoigne la liste de ses grands maîtres, la franc-maçonnerie, dans la période immédiatement antérieure à la Révolution, ne cesse pas de suivre, malgré ses crises, une marche ascendante rapide. Elle devient la mode, finit par faire fureur, et le Grand Orient en arrive à créer ses fameuses loges d'adoption où les femmes étaient admises. Les récipiendaires femmes, nous apprend M. Dalmeyras, auteur d'une récente histoire de Cagliostro, et qui ne semble l'ennemi ni de Cagliostro ni des loges, sont des actrices, des danseuses, des bourgeoises ou des grandes dames sans préjugés. Alors, en résumé, la franc-maçonnerie, au moins en apparence, consiste surtout en bals, en banquets, en démonstrations de bienfaisance. En 1775, la duchesse de Bourbon recevait le titre de grande maîtresse de toutes les loges d'adoption de France. Le duc de Chartres l'installait lui-même dans ce pontificat féminin, au milieu de fêtes magnifiques, et on faisait une quête à la fin du banquet en faveur des pères et mères retenus en prison pour n'avoir pas payé les mois de nourrice de leurs enfants. Telle est pendant toute cette période la façade de la franc-maçonnerie. Elle est à la fois somptueuse et amusante, avec la promesse d'un mystère, probablement inoffensif, et peut-être même agréable, à l'intérieur de la maison. Sous prétexte de philanthropie, on s'y divertit énormément. On s'y mêle entre gens de la bonne société et de la moins bonne, dans l'illusion d'une égalité sociale qui ne manque pas toujours de piment. On se donne la sensation d'une vie en double où on s'appelle de noms de guerre en échangeant des mots de passe. On se procure le petit frisson d'attendre quelque chose de secret qui sera peut-être défendu. On joue en grand en un mot à ces jeux innocents qui ne sont pas toujours. Et un prodigieux enjouement jette toute la société dans ce jeu-là. Les plus honnêtes gens s'en mettent, et Marie-Antoinette écrit à cette époque, à Madame de Lamballe, « J'ai lu avec grand intérêt ce qui s'est fait dans les loges franc-maçonniques que vous avez présidées, et dont vous m'avez tant amusé. Je vois qu'on n'y fait pas que de jolies chansons et qu'on y fait aussi du bien. N'existait-il donc cependant aucun motif de se méfier? Si, et certains États, dès le milieu du XVIIIe siècle, chassaient assez rudement ces francs-maçons qui s'attachaient en France avec une si extraordinaire activité à amuser les Français, à les faire danser, à chatouiller leur frivolité. Le pape Clément XII, en outre, avait lancé contre eux une bulle assez suggestive dans laquelle il les comparait aux voleurs qui percent la maison. On pouvait donc dès ce moment-là ne pas déjà voir dans les loges de simples lieux d'amusement comme la malheureuse Marie-Antoinette et la vue seule des fêtes qui s'y donnaient causait d'ailleurs à beaucoup de gens un inexprimable malaise. Il ne pouvait pas dire pourquoi il l'y ressentait, mais il l'y ressentait et il suffit pour s'en convaincre de lire certains passages des Mémoires de Baruel. Il avait émigré à Londres après 1792 et comme tout le monde avant la Révolution, avait été sollicité de prendre part à des réunions maçonniques. Depuis plus de 20 ans, raconte-t-il, il était difficile de ne pas rencontrer en France quelques-uns de ces hommes admis dans la société maçonnique. Il s'en trouvait dans mes connaissances et parmi ceux-là plusieurs dont l'estime et l'amitié m'étaient chères. Avec tout le zèle ordinaire aux jeunes adeptes, ils me sollicitaient de me faire inscrire dans leur confrérie. Sur mon refus constant, ils prirent le parti de m'enrôler malgré moi. La partie fut liée. On m'invite à dîner chez un ami, je me trouve seul profane au milieu des maçons. Le repas terminé, les domestiques renvoyés, on propose de se former en loge et de m'initier. Je persiste dans mon refus et surtout dans celui de faire le serment de garder un secret dont l'objet m'est inconnu. On me dispense du serment, je résiste encore, on insiste, je m'obstine. Au lieu de répliquer, on se forme en loge et alors commencent toutes ces singeries et ces cérémonies puériles qu'on trouve décrites dans divers livres maçonniques. Je cherche à m'échapper, l'appartement est vaste, la maison écartée, les domestiques ont le mot, toutes les portes sont fermées. Il faut bien se résoudre à laisser faire. On m'interroge, je réponds presque à tout en riant, me voilà déclaré apprenti et tout de suite compagnon. Bientôt même, c'est un troisième grade, c'est celui de maître qu'il faut me conférer. Ici, on me conduit dans une vaste salle. Jusque-là, je ne voyais que jeu et puérilité, mais je n'avais déplu par aucune réponse. Enfin survient cette question qui me fait gravement le vénérable. Êtes-vous disposé, mon frère, à exécuter tous les ordres du grand maître de la franc-maçonnerie, quand même vous recevriez des ordres contraires de la part d'un roi, d'un empereur ou de quelque autre souverain que ce soit? Ma réponse fut non. Le vénérable s'étonne et reprend. Comment non? Vous ne seriez donc venu parmi nous que pour trahir nos secrets? Vous ne savez donc pas que de tous nos glaives, il n'en est pas un seul qui ne soit prêt à percer le cœur des traîtres? Dans cette question, dans tout le sérieux et les menaces qui l'accompagnaient, je ne voyais encore qu'un jeu. Je n'en répondis pas moins négativement. À l'exception du vénérable, tous les frères gardaient un morne silence, quoiqu'ils ne fissent dans le fond que s'amuser de cette scène. Elle devenait encore plus sérieuse entre le vénérable et moi. Il ne se rendait pas. Il renouvelait toujours sa question. À la fin, je me sens excédé. J'avais les yeux bandés, j'arrache le bandeau, je le jette par terre et en frappant du pied, je réponds par un non, accompagné de tout l'accent de l'impatience. À l'instant, toute la loge part de battements de mains en signe d'applaudissement. Le vénérable donne alors des éloges à ma constance. Voilà, dit-il, les gens qu'il nous faut, des hommes de caractère et qui sachent avoir de la fermeté. Quel était cependant, quelques années plus tard, l'épilogue de cette plaisanterie? Je dois, dit Baruel, rendre cette justice à ceux qui m'avaient reçu lors de la Révolution. Ils se sont tous montrés bons royalistes, à l'exception du vénérable que j'ai vu donner à plein collier dans le jacobinisme. Une société maçonnisée, c'est donc bien celle qui précède immédiatement la Révolution. Elle s'est maçonnisée, entre guillemets, pour s'amuser, mais elle s'est maçonnisée. C'est l'atmosphère en dehors de laquelle il ne faut pas même essayer de voir cette époque sous peine de n'en rien voir de vrai. Il y a partout à ce moment-là, comme dans la scène racontée par Baruel, 20 ou 30 francs-maçons qui le sont par mode, par snobisme, par besoin de fête et de plaisir, et parmi eux un certain frère qui a l'air d'être comme eux, mais qui n'est pas comme eux et qui est là, comme dit le pape, pour percer la maison pendant qu'on s'y divertit. Et le maçonnisme des 30 ou 40 ans avant 1789 est si bien déjà devenu l'ambiance générale que les philosophes en réalité ne répandent pas simplement leur philosophie par leurs écrits, mais se conjurent maçonniquement pour la répandre et dans le sens rigoureux du mot. Écoutez Voltaire dans sa correspondance. Il faut, écrit-il, agir en conjuré et non pas en zélé. Que les philosophes véritables fassent une confrérie comme les francs-maçons. Que les mystères de Mitra ne soient pas divulgués. Frappez et cachez votre main. La margrave de Barrette, la princesse Wilhelmine, devient pour lui la sœur Guillemette et lui adresse elle-même des lettres commençant par ces mots: La sœur Guillemette au frère Voltaire. Il avoue lui-même, dans des lettres qui sont célèbres, qu'il rend le pain béni et qu'il communie par imposture afin de mieux tromper les gens. À un certain moment, il entreprend toute une intrigue dans le but de faire reconstruire le temple de Jérusalem. À un autre moment, il entreprend encore une autre intrigue, d'accord avec d'Alembert, pour arriver à décider Louis XV à fonder dans tout le royaume des écoles professionnelles gratuites où, sous le couvert d'un soi-disant enseignement professionnel, on devait enseigner clandestinement au peuple la révolte et la sédition. Bertin, l'administrateur de la cassette royale, avait fini par se décider à couper court à ce complot. Il avait fait une enquête et qu'avait-il découvert? Toute une conspiration de colporteurs qui couraient les campagnes et y vendaient à des prix insignifiants des ouvrages incendiaires dont on leur remettait gratuitement des quantités. Des maîtres d'école étaient déjà même affiliés à la conjuration, et notamment dans les environs de Liège, où ils lisaient à des enfants, dans des réunions secrètes, des livres qu'on leur expédiait par ballot. Et ces maîtres d'école étaient précisément ceux qui, publiquement, à l'exemple de Voltaire, et comme par un mot d'ordre, accomplissaient leurs devoirs religieux avec la dévotion la plus démonstrative. Plus de 20 ans après, en 1789, entre les atrocités de la prise de la Bastille et celles des massacres d'octobre, un monsieur Leroy, lieutenant des chasses royales, s'écrie avec des sanglots dans un dîner raconté par Baruel et qui avait lieu chez monsieur d'Angevilliers, intendant des bâtiments du roi, je cite: J'étais le secrétaire du comité à qui vous devez cette révolution et j'en mourrai de douleur et de remords. Ce comité se tenait chez le baron d'Holbach. Nos principaux membres étaient d'Alembert, Turgot, Condorcet, Diderot, La Harpe et ce Lamoignon qui s'est tué dans son parc. La plupart de ces livres que vous avez vus paraître depuis longtemps contre la religion, les mœurs et les gouvernements étaient notre ouvrage et nous les envoyions à des colporteurs qui les recevaient pour rien ou presque rien et les vendaient au plus bas prix. Voilà ce qui a changé ce peuple et l'a conduit au point où vous le voyez aujourd'hui. Oui, j'en mourrai de douleur et de remords. Et ce témoignage de Baruel, ces cris de remords de Monsieur Leroy au dîner de Monsieur d'Angevilliers, pourrait-il être contesté? Non. Car voici en date du mois de mars 1763 des lettres de Voltaire qui les confirment par anticipation, je cite: Pourquoi les adorateurs de la raison, écrivait-il alors à Helvétius, restent-ils dans le silence et dans la crainte? Qui les empêcherait d'avoir chez eux une petite imprimerie et de donner des ouvrages utiles et courts dont leurs amis seraient les seuls dépositaires? C'est ainsi qu'en ont usé ceux qui ont imprimé les dernières volontés de ce bon et honnête curé Mélier. Et il ajoute, on oppose ainsi aux pédagogues chrétiens et aux pensésibiens de petits livres philosophiques qu'on a soin de répandre partout adroitement. On ne les vend point, on les donne à des personnes affidées qui les distribuent à de jeunes gens et à des femmes. En réalité, la conjuration philosophique n'avait que très peu perverti le peuple. Et par une excellente raison, c'est que le peuple ne savait pas lire. Elle avait surtout empoisonné les hautes classes. Mais cette philosophie qui est une conjuration, et qui est machine dans le mystère avec des masques et des trahisons, l'application de ses préceptes, n'est-elle pas pour une époque toute une caractéristique? Et elle n'est cependant encore qu'une demi-conjuration. Elle ne représente que des préliminaires, c'est seulement avec l'illuminisme que nous allons voir entrer en scène la conjuration véritable, celle de la subversion sauvage et où s'annoncent par avance toutes les atrocités de la terreur. L'illuminisme est peu connu, sinon même presque inconnu, et c'est pourtant l'illuminisme qui, en très grande partie, a bouleversé et ensanglanté le monde, il y a un peu plus d'un siècle. C'est encore la continuation directe de l'illuminisme qui le bouleverse ou qui le menace d'aujourd'hui, et son fondateur est un Allemand, Weishaupt, professeur de droit au collège d'Ingolstadt. À Ingolstadt même, où il professait, Weishaupt, en 1776, posait en secret les fondements de la secte, et voici, d'après sa correspondance, ses instructions écrites et son code, ce qu'était cette association. Écoutez d'abord la doctrine. Je cite: La nature a tiré les hommes de l'état sauvage et les a réunis en société civile. De nouvelles associations, c'est-à-dire les sociétés secrètes, s'offre un choix plus sage, et par elle, nous revenons à l'état d'où nous sommes sortis, c'est-à-dire à l'état sauvage. Non pour parcourir de nouveau l'ancien cercle, mais pour mieux jouir de notre destinée. Le but et la doctrine de l'illuminisme sont donc bien clairs, et c'est en propre terme le retour à l'état sauvage. Nous en sommes sortis, il faut y revenir, ne plus en ressortir, établir seulement la sauvagerie nouvelle, au milieu de cette forêt perfectionnée que peut devenir la civilisation. Écoutez maintenant le développement. À l'origine des nations et des peuples, le monde cessa d'être une grande famille. Le grand lien de la nature fut rompu. Le nationalisme ou l'amour national prit la place de l'amour général. Alors ce fut une vertu de s'étendre aux dépens de ceux qui ne se trouvaient pas sous notre empire. Cette vertu fut appelée patriotisme et celui-là fut appelé patriote, qui, juste envers les siens, injuste envers les autres, prenait pour des perfections les vices de sa patrie. Et l'illuminisme, en premier lieu, veut ainsi détruire les patries, mais il ne s'arrête pas là, et vise ensuite ce qu'il appelle le localisme, c'est-à-dire la cité, puis la famille elle-même. Et dès lors, continue Weishaupt, pourquoi ne pas donner encore à cet amour de la patrie des limites plus étroites, celles des citoyens vivant dans une même ville, ou bien celles des membres d'une même famille? Aussi vit-on alors du patriotisme naître le localisme, puis l'esprit de famille. Ainsi, l'origine des États, des gouvernements, de la société civile fut la semence de la discorde. Diminuer, retrancher cet amour de la patrie, et les hommes, de nouveau, apprennent à se connaître et à s'aimer comme hommes. Fin de la citation. Et l'illuminisme bénit maçonniquement les hommes qui n'ont plus ni patrie, ni cité, ni famille, ni loi, et dont les bandes errantes ne se fixent nulle part. Il conclut enfin en s'écriant, 10 ans avant 1789, oui, les princes et les nations disparaîtront de dessus la terre. Oui, il viendra ce temps où les hommes n'auront plus d'autre loi que le livre de la nature. Cette révolution sera l'ouvrage des sociétés secrètes. Tous les efforts des princes pour empêcher nos projets sont pleinement inutiles. Cette étincelle peut longtemps encore couver sous la cendre, mais le jour de l'incendie arrivera. Et comment? Par quel procédé Weishaupt va-t-il conduire l'illuminisme à son but? Par quelle voie et par quels moyens va-t-il ramener l'humanité à l'état sauvage? C'est surtout ici que se révèle l'illuminisme, et le grand moyen, c'est en tout et toujours un profond secret, le mensonge et la trahison expressément ordonnés, ou la violence la plus sauvage, dès qu'elle est devenue possible. L'illuministe peut avoir tous les vices, mais ne doit jamais se montrer en même temps que sous le plus parfait extérieur d'honorabilité et de vertu. Appliquez-vous, prescrit Weishaupt dans son code, à la perfection intérieure et extérieure. Et qu'entend-il par cette double perfection? Il explique suffisamment dans le triple précepte que voici: tais-toi, sois parfait, masque-toi. Il organise ainsi tout un système de recrutement clandestin, il fait exercer par des frères qu'il appelle du nom significatif de frères enseignants. Ce sera la fin de cette première partie du livre La franc-maçonnerie et la Révolution française. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.